بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس في تفسير كلام الله تعالى bienvenue chers frères dans ce cours pour l'exégèse du livre d'Allah تبارك وتعالى. Aujourd'hui on va voir l'exégèse de sourate Al-Asr. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit après la basmala, Wal-Asr, Inna l'insana la fi khusr, Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil-haqi wa tawasaw bil-sabr. Cette surah, comme vous pouvez le constater, elle est très courte. Walakin al-fawa'id, Azim jiddan. Cependant, cette sourate contient des leçons très importantes. Allah tabaraka wa ta'ala la yahtaj an yahlif. Allah n'a pas besoin de jurer. Fa huwa al-haq. Il est la vérité. Il n'a pas besoin de jurer. Lakinnahu yahlifu li yubayyin lana ahammiyat al-mawdu'. Cependant, il jure ici pour nous montrer l'importance du sujet. Wal asr, قال بعض العلماء هو آخر النهار. Certains savants ils nous disent wal asr, c'est la fin de la journée. Et donc Allah il jure par la fin de la journée. وقال آخرون هو صلاة العصر. Et d'autres savants nous disent c'est la prière du asr. Salat al-Wusta, la prière médiane, si importante. Wa qala akharun hiya az-zaman, aw huwa az-zaman. D'autres savants nous disent c'est le temps. Wa qad rajjahahu al-Sheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Le Sheikh Ibn al-Uthaymeen a cité que cet avis était le plus juste inshallah ta'ala. Hadha az-zaman alladhi yushahidu al-ibad taghayyurat al-ahwal. Et donc, ce temps durant lequel les serviteurs voient le changement de situation. Le changement de situation d'un pays, d'un état, d'une personne, des créatures de façon générale, d'une époque à une autre. Fallahu tabaraka wa ta'ala aqsama bil asri ala amrin muhim. Allah ta'ala, elle a juré par le temps pour un sujet important. Mais huwa inna al-insana la fi khusr. Certes, l'être humain est dans la perdition. Et vous remarquez, il n'a pas dit inna al-insana khasir. Il n'a pas dit certes, l'être humain est perdu ou perdant. Fi khusr, dans la perdition. Comme s'il est noyé dedans. L'être humain, tous les êtres humains, kulluhum, ils sont tous dans la perdition. Kulluhum. Illa man istathnahu Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf ceux dont Allah tabaraka wa ta'ala a fait exception d'eux dans cette sourate. Liza yajibu ala al-muslim ayyuha al-ikhwa an yata'allam li ya'rif man hum ha'ula. Voilà pourquoi il est obligatoire aux musulmans d'apprendre qui sont ces gens-là qui ne sont pas dans la perdition. Qui sont-ils? فقال تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا. Sauf ceux qui ont eu la foi. Sauf ceux qui ont eu la foi. La foi en quoi, Youssouf? La foi en quoi? Sauf ceux qui ont eu la foi. La foi en quoi? Tu sais pas? Non, j'ai pas compris. Alors, tous les êtres humains sont dans la perdition, sauf ceux qui ont eu la foi. Mais la foi en quoi? Allah. Allah, c'est tout? Sûr? Tu veux que Un de tes deux copains t'aide? Salih, la foi en quoi? Dans ses anges. En ses anges. Dans ses messagers. Au jour dernier. Aïe, ah, t'as vu ça? Non, j'avais pas compris. C'est Iman. El Iman, naam. On a vu la traduction. Ouais. Et donc, sauf ceux qui ont eu la foi, l'Iman. La foi en quoi? Arkan al-Iman al-Sitta. Les six piliers de la foi. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir. Que tu aies foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier. Et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc, il est obligatoire que tu aies foi en ces six piliers. فَهَذَا يَحُسُّنَا أَيُّ الْإِخْوَى لَا التَّعَلُّمُ. Ça nous pousse à quoi? Ça nous pousse à apprendre. لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعَ أَن تُؤْمِنَ بِمَا تَجْهَلُ. Tu ne peux pas avoir foi en ce que tu ignores. Qui est Allah? Qui est Allah? Tu dois savoir qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les livres qu'il a révélés? Qui sont les messagers qu'il a envoyés? Quel est ce sujet du destin? Ou alors est-ce qu'on va faire comme les chrétiens? Croire sans savoir en quoi? Aujourd'hui, tu vas demander aux chrétiens concernant la base de leur religion. La base de leur religion. Chacun va te donner une version différente. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ne connaissent pas leur religion. Ils ne connaissent pas leur religion. Quand tu débats, voilà pourquoi, même moi aujourd'hui, ça me fatigue de débattre avec des chrétiens qui ne connaissent pas. Pourquoi c'est fatigant? Parce qu'ils ne connaissent même pas leur religion. C'est toi qui dois leur apprendre. Non, mais en fait, regarde, ta religion, elle dit ça. Ils ne savent pas. Et donc, chacun invente. Et aujourd'hui, les musulmans, on est tombés dans le même piège. Tu lui demandes, la ilaha illallah, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et il pense qu'il a fait une bonne traduction. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il pense qu'il a dit quelque chose de bien. Il n'y a de créateur que Allah. Il pense qu'il a fait une bonne traduction. Subhanallah. Et donc, il faut apprendre. C'est pas normal que nous, les musulmans, aujourd'hui, on ne connaisse pas la signification de la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est pas normal. Et donc c'est important, chers frères, d'apprendre. Illa alladhina amanu. Fa Allah tabaraka wa ta'ala yahuthuna wa yubayyinu lana wujub at-ta'allum wal iman bihi. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre le caractère obligatoire d'apprendre et le fait d'avoir la foi en cela. Wa amilus salihat, et ceux qui ont accompli de bonnes actions, des œuvres pieuses. Al amalus salih huwa alladhi jama'a shartayn. Et donc les bonnes actions, ce sont celles qui ont rassemblé deux conditions. Deux conditions. Barakallahu fik. Al-ikhlas wal mutaba'a. Le fait que tu accomplisses tes actes pour Allah tabaraka wa ta'ala de façon spécifique et le fait que tes actes soient en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? لِأَنَّكَ تُؤْمِنْ بِأَنَّهُ هُوَ الرَّسُولُ. Tu crois que c'est lui le messager. إِذَنْ أَنْتَ تَتَّبِعُهُ. Et donc tu le suis. كَيْفَ أَنْتَ تُؤْمِنْ بِأَنَّهُ هُوَ الرَّسُولُ ثُمَّ تَعْبُدُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَسْبَ مَشِئَتِكَ أَنْتَ. Comment est-ce possible que tu penses que c'est lui le messager, puis tu adores Allah en fonction de ce que tu penses toi? C'est contradictoire. C'est contradictoire. Et donc si c'est réellement lui le messager, ça veut dire que tu dois le suivre lui. Tu ne dois pas suivre l'imam. Ah, j'ai vu que l'imam il priait comme ça, donc je vais faire comme lui. À chaque fois qu'il y a un converti dans cette mosquée, je lui dis Indek, attention, on n'est pas des prêtres. On n'est pas des prêtres. Tu ne viens pas nous suivre à la lettre comme ça. On est des imams. On est là pour te montrer la sunna. Si on se trompe, on se trompe. On n'est pas infaillible. Si un imam te donne un conseil et te dit tu dois prier comme ça, cet imam doit te ramener la preuve. Parce que tes œuvres doivent être en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc attention, ne viens pas suivre l'imam. Si tu le vois faire quelque chose que tu n'as pas encore vu, tu vas lui demander quel est ton dalil. C'est important. ثم أيها الإخوة ينبغي أن يعلم أننا خلقنا لماذا. Il faut, les frères, il est important de savoir pourquoi on a été créé. Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Qui me dit pourquoi on a été créé? Pour adorer Allah. Pour adorer Allah. Je savais qu'on allait me donner cette réponse. Et donc ça veut dire quoi? Ah, c'est là que ça devient plus difficile. Et donc ça veut dire quoi? Et donc ça veut dire que nahnu khuliqna lil amal. On a été créé pour œuvrer. Anta lam tukhlaq litata'allam wa tajlis. Tu n'as pas été créé pour apprendre et ensuite tu restes comme ça. Mais tu as été créé pour œuvrer. Tu as été créé pour œuvrer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire quoi? Pour qu'ils agissent. Et ça, c'est important, cher frère, que ce que tu apprends à la mosquée, ce que tu vas apprendre dans les livres, que tu l'appliques. C'est important. وَإِنْ لَمْ تَعْمَلْ بِعِلْمِكَ فَكَدْ تَشَبَّحْتَ بِالْيَهُودِ. Et si tu n'agis pas avec ta science, alors tu as ressemblé aux juifs. Tu as ressemblé aux juifs. Ce dont Allah tabaraka wa ta'ala a dit, الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. Ceux à qui la Torah leur a été donnée, leur a été confiée. Puis, ils n'ont pas œuvré avec celle-ci. كمثل الحمار يحمل أسفارا. Comme l'exemple d'un âne qui porte des livres. Tu mets des livres sur un âne, il n'en profite pas. Et donc, ils ont de la science, mais ils n'agissent pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde contre cela, oh les frères. Ce que tu apprends, œuvre avec. Il t'est obligatoire de le faire. Si tu ne le fais pas, tu es dans la perdition. Tu sais qu'il t'est obligatoire d'émigrer. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais qu'il t'est obligatoire de faire tes prières à l'heure. Pourquoi tu ne le fais pas? Plein de choses. Il faut qu'on se pose la question. Attention. Tu as une science. عندك علم لا بد أن تعمل به. Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde contre cela dans plusieurs passages de son livre. وَقَدْ تَعْلَمُونَ مَا أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي بَيَانِ حَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَنَّ الرَّجُلُ يسأل عن أربع. Certes, vous savez donc ce que At-Tirmidhi a cité dans son Jami', que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que l'être humain sera interrogé concernant quatre choses au jour de la résurrection. ومنها في علمه ماذا عمل به. Et parmi ces choses, il y a la science. Sa science, qu'a-t-il fait de sa science? Qu'as-tu fait de ta science? Qu'as-tu fait de ce que tu savais? Ça, c'est important, oh, cher frère. C'est pas que tu viens à la mosquée, tu apprends, mashallah, les durous sont profitables, alhamdulillah, tu rentres à la maison, comme si de rien n'était. Non, il faut œuvrer avec. Il faut œuvrer avec. Allah tabaraka wa ta'ala nous met en garde contre le fait de ne pas œuvrer avec la science. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? أنت تقوله لأنك تعلمته. Tu le dis parce que tu l'as appris, tu le sais. Pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? Cela est grave auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et donc c'est grave, oh, chers frères. Allah nous met en garde contre le fait de ne pas œuvrer avec notre science. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Est-ce que vous ordonnez la piété aux gens alors que vous oubliez vos propres personnes? Et vous lisez le livre. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ne raisonnez-vous donc pas? Et donc il est obligatoire, aux chers frères, d'œuvrer avec notre science. Et comme on l'a dit, on a été créé pour œuvrer. On a été créé pour œuvrer. Et même Al-Jannah, Allah tabaraka wa ta'ala, il faut savoir en fait, les frères, que la cause pour rentrer au paradis, ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres. Tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Voilà le paradis que vous avez hérité par la cause de ce que vous avez accompli. Il n'a pas dit par la cause de ce que vous saviez. Bima kuntum ta'lamun. Là, bima kuntum ta'malun. Par la cause de ce que vous avez accompli. Et donc il t'est obligatoire, ayyul akh al karim, il t'est obligatoire d'œuvrer, agir. Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Tu connais le jugement de quelque chose, c'est obligatoire, c'est interdit, agis en fonction. Agis en fonction. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq. Hadhihi sa'ba. Ah, ça c'est difficile ça. C'est difficile ça. Quand tu vois au marché, que tu vois ton frère qui est en train de faire quelque chose d'interdit et que tu ne dis rien du tout. Que tu ne dis rien du tout, walou. Dis-lui, crains Allah Azza wa Jal. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui d'entre vous qui voit un mal alors qu'il le change avec sa main, fa in lam yastati' fa bi lisani, s'il ne peut pas alors avec sa langue, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, s'il ne peut pas alors avec son corps, son cœur. Wa dhaka adna al-iman. Et ça c'est le plus bas niveau de la foi. Le fait de rejeter cela avec ton cœur. Quand tu ne peux pas. C'est pas la base. Malheureusement, on a fait en sorte que ça soit la base. Que tu vois quelque chose faire quelque chose, tu vois quelqu'un faire quelque chose de mal, la base, je ne blâme pas, je ne dis rien. Malif. Non, il faut le dire. Tu vois quelqu'un qui ne prie pas correctement, bien entendu avec adab. C'est pas tu vas le voir, tu dis, ah oui, c'est quoi cette prière? Non, tu vas le voir, ya akhil karim, barakallahu fik, j'aimerais bien te parler d'un sujet, etc., etc. Tu le prends tranquillement de côté, tu lui expliques. Mais c'est obligatoire, c'est obligatoire. Allah tabaraka wa ta'ala dans cette sourate, il a dit illa alladhina amanu wa amilus salihat wa, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions et qui se sont enjoints à la vérité. Il n'a pas dit ou. C'est pas ou, c'est et. Tu dois le faire. Tu dois avoir la foi, donc tu dois apprendre. Tu dois agir en fonction et tu dois appeler les gens à cela. Tu dois appeler les gens à cela, c'est obligatoire. Sinon, tu es dans la perdition. Tu veux être sauvé, Allah tabaraka wa ta'ala t'a montré comment faire. Allah t'a montré comment faire. Tu dois appeler les gens à cette vérité. Et tu ne dois pas avoir peur des gens. Tu ne dois pas avoir peur. فَلَا تَخَفُوهُمْ وَخَفُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a fini cette sourate en nous citant une quatrième caractéristique. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils se sont enjoints la patience et l'endurance. Pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est pas facile. عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِرْ حَتَّى تَتَعَلَّمْ. Tu dois apprendre et endurer afin que tu puisses avoir la capacité d'apprendre. Tu dois endurer et avoir la patience. عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِرْ. Tu dois endurer afin de pouvoir œuvrer avec cette science. Tu dois endurer afin de pouvoir appeler les gens à cela. C'est pas facile, parce qu'à chaque fois que tu vas appeler quelqu'un, tu vas dire, Yahi, sache que la sunna, c'est comme ça, etc. Ah, ya oula salafiyin. Sois prêt. Tout de suite, salaf. Ah, voilà, c'est fini. Faut que tu sois prêt. Appelle les gens à la vérité. Ah, wahhabiyin. Ah, rabi'iyin. Et donc, toi, déjà dans ta tête, sois prêt. Les gens, ils vont dire ma'alish. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ana af'aluhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Lillah. J'ai peur si je me tais et que j'enseigne pas aux gens la vérité. C'est de ça qu'on doit avoir peur. On doit pas avoir peur des gens, on doit avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que tu connais la vérité, wa antatab kotsekit. Voilà ce dont tu dois avoir peur. Tous les jours, on est là ici, c'est qu'il. On voit des péchés à droite, à gauche, c'est qu'il. On se tait. N'aie pas peur, laisse les gens parler sur toi, ils vont te critiquer. Malif. C'est pas grave. Mais fais comme ils ont fait les imams. Fais comme il a fait l'imam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est levé, il a annoncé aux gens la vérité. Ils l'ont critiqué, c'est pas grave. Parce qu'il sait qu'il a accompli l'ordre de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et donc il est obligatoire, chers frères, qu'on endure lorsqu'on appelle les gens à la vérité. Et que tu endures dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal annonce la bonne nouvelle aux endurants. Wa bashir as-sabirin. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Parce que c'est pas facile, il faut que tu endures lorsque tu obéis à Allah tabaraka wa ta'ala. Chaque jour, cinq prières, et apprendre, zakat, siyam, hajj. C'est pas facile, il faut œuvrer, il faut agir, et donc il faut endurer. C'est pas facile, il y a beaucoup de péchés, az-zunub, kefira jidden. Fatasbir. Alors tu endures afin de ne pas tomber dans les péchés. وَتَصْبِرْ عَلَىٰ أَقْدَرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ. Et tu patientes quant au destin que Allah tabaraka wa ta'ala t'a décrété. Tu patientes. Et donc voilà, oh chers frères, nous devons méditer quant à ces caractéristiques qu'Allah tabaraka wa ta'ala a citées dans cette sourate. Très importante. Car si tu n'as pas rassemblé, réuni ces quatre caractéristiques, et je ne dis pas trois, je ne dis pas deux sur les quatre, il faut que tu en aies quatre, les quatre, obligatoires, l'azim. Si tu n'as pas les quatre, alors tu fais partie du groupe, le premier groupe qu'Allah a cité. Alladhina hum fil khusran, ceux qui sont dans la perdition. Tu ne veux pas être dans la perdition? Voilà, Allah t'a montré comment faire. Alors, maintenant la balle est dans ton camp, comme on dit. C'est à toi d'agir. C'est à toi de faire en sorte de ne pas être dans la perdition. Et à faire passer la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala au-dessus des critiques des gens. Au-dessus des critiques des gens. Ou alors, est-ce que c'est les critiques des gens que tu crains le plus? Et donc voilà, chers frères, concernant donc cette courte sourate, mais très très très importante. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi les vertueux. Parmi ceux qui ont eu la foi, qui ont accompli de bonnes actions, qui ont appelé les gens à cela et qui ont enduré. Allah tabaraka wa ta'ala est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.